بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الخامس عشر 15e leçon toujours dans les questions qui sont relatives à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala قال في السؤال الثالث وسبعين 73e question بماذا نحلف par quoi doit-on jurer قال في الجواب بسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. On doit jurer par l'un des noms d'Allah, parmi ses noms, ou alors il est permis de jurer parmi l'un de ses attributs. Quelle est la preuve de cela? Le hadith de Abdullah ibn Omar, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Muttafaqun alayhi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui jure alors qu'il jure par Allah alors qu'il se taise. Et bien sûr, comme il dit qu'il jure par Allah, cela permet également de pouvoir jurer par autre parmi ses noms comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qawi, wa ghayri dhalika. Parmi ses noms qui sont les plus beaux. Et par rapport à ces sifat, il est permis de jurer par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le hadith de Abu Huraira, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté que au moment où Ayyub alayhi salam se lavait, Ayyub le prophète, le messager, il se lavait, il était nu, et qu'il y a une sauterelle d'or qui passa devant lui. Alors il l'a pris. Et Allah Azza wa Jal l'appela. Ce qui prouve que Allah parle. Parmi ses sifat, le fait qu'il parle, qu'il appelle. En lui disant, oh Ayyub, ne t'ai-je pas donné ce qui te suffit? Il a dit que tu n'aies pas besoin de prendre cela. Il dit si, oh, il dit si, par, je jure par ta puissance. Adawa, al-Shahid, bala, ou izzatika. Il dit si. Alors il a juré par la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est parmi l'un de ses attributs. Donc cela est permis. Tout comme le fait de jurer par le Coran, car le Coran, c'est la parole d'Allah. Par contre, quant au fait de jurer par le Mus'haf, c'est une mas'ala qui, elle, on voit des paroles de ulama qui diffèrent, mais en réalité, le Mus'haf, c'est l'objet, qui est le livre avec la couverture, avec les pages, avec l'encre. Et cela est une créature. Les paroles qui contiennent sont les paroles d'Allah, elles sont incréées, mais le livre est une créature. Donc, jurer par le Mus'haf, cela n'est pas permis, ça rentre dans le fait de jurer par autre que Allah. Et le Mus'haf n'est pas un nom d'Allah ni un de ses attributs. Mais l'attribut, c'est le Coran. Cette parole qui est la parole d'Allah, que l'on mémorise. On ne mémorise pas le Mus'haf en lui-même, on mémorise les paroles qu'il contient. Ces paroles-là sont celles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, incréées. Et le hadith, celle-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'histoire de Ayyub, a été porté par le Bukhari. Qala fi as-su'al arabi wa sab'in, uzkur ba'd al-halif al-muharram. Cite certains serments, le fait de jurer, une façon de faire qui est interdite. Qal al-halif bil-aba, le fait de jurer par les pères. Wal-sharaf, par le rang, la noblesse, on va dire, le rang de la personne. Wal-amana, qui est la confiance, le dépôt. Wa kullu halifin bi-ghayrillah. Tout ce qui est par autre que Allah, et selon l'attribut, cela est interdit. Wal-dalil ou hadith Abi Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون qu'il a dit صلى الله عليه وسلم et le hadith apporté par Abu Daoud. قال النبي صلى الله عليه وسلم ne jurez pas par vos pères ni par vos mères ni par les égaux et ne jurez que par Allah. Et ne jurez qu'en étant véridique. Si vous jurez par Allah, ne jurez qu'en étant véridique. Car si tu mens en jurant par Allah, on appelle ça al-yamin al-ramous. C'est parmi les plus grands péchés qui te fait plonger dans le feu de l'enfer. Que tu jures par Allah en mentant délibérément. C'est parmi les pires des choses. Et plus grave que cela encore, jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Il y a Afad ibn Mas'ud qui dit justement qu'il préfère encore jurer par Allah en mentant que jurer par autre que Allah en étant véridique. Car l'autre est du shirk. Il y en a un, c'est un grand péché. Et l'autre rentre dans le shirk. Donc, comme on entend souvent, ceux qui jurent sur la tête de leur mère, sur la tête de leur père, sur la tête de leurs enfants, et ce qui ressemble, tout cela est interdit, catégoriquement. Et le fait de jurer pour en tout cas Allah, ça peut être du shirk, qui est majeur ou mineur. Ça dépend du niveau de ta'azim que l'on donne à la chose par laquelle on jure. Ça peut être majeur, ça peut être mineur. Et au minimum, il est mineur. Au minimum. وحديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. Celui qui jure par l'amana, ce qu'on appelle le dépôt, la confiance, il ne fait pas partie de nous. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani et par Cheikh Mokbil, rahimahumullah. Et ici, par exemple, au Yémen, beaucoup le font, ça, malheureusement. Ou l'amana, ils disent comme ça. Ils jurent par l'amana. Et cela n'est pas permis. D'accord ? Cela n'est pas permis. ثم قال في السؤال الخامس والسبعين 75e question. هل الله يقسم بما شاء. Est-ce que Allah, lui, jure par ce qu'il veut ? Car les sujets précédents concernent la créature. Entre autres, les mukallafun. Nous, ainsi que les djinns. C'est-à-dire nous, les humains, ainsi que les djinns. Donc maintenant, est-ce qu'il est permis à Allah ? Est-ce que Allah le fait ? D'accord ? Est-ce que c'est une chose que Allah fait ? قال نعم لأنه خالق كل شيء. نعم, Allah peut jurer parce qu'il est créateur de toutes choses. Donc il peut jurer par ce qu'il veut. Alors que nous sommes sa créature. Donc nous devons jurer que par lui. والدليل قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها. Dans la sourate Shams, le soleil. Lorsque Allah jure par le soleil, il jure par la lune, il jure par le jour, il jure par la nuit, il jure par le ciel, il jure par la terre, il jure par l'âme. وقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كذلك sourate الليل, la nuit, verset 1 à 2. Allah il jure par la nuit, il jure par le jour. وقال تعالى لا يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس اللوامة. Il dit je jure par le jour plutôt de la résurrection. Et il dit je jure par l'âme qui reproche, c'est-à-dire l'âme qui fait des reproches à celui qui la détient dans le mal qu'il commettrait. Sourate al-Qiyamah, verset 1 à 2. Donc Allah il jure par ce qu'il veut. Il jure par le temps ou al-Asr kadhalik. Quand même, il y a plein de versets qui prouvent. Mais nous, cela nous est interdit catégoriquement. ثم قال ما حكم سب الله وسب رسوله ودينه. Qu'en est-il du fait d'injurer, d'insulter Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou sa religion? En premier lieu, il faut savoir que le mot sab en arabe peut être plus large que le mot insulter en français. Car par exemple, le fait de faire invoquer contre quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un la barakallahu fik, que Allah ne mette pas de baraka en toi, en arabe ça s'appelle un sab. Alors qu'en français, non. Car souvent quand on dit insulter, les gens s'imaginent des choses vulgaires ou des paroles qui offensent directement. En arabe, ça peut être plus large que cela. Ça peut être plus large que cela. Et ce sont des fois des traductions qui portent la confusion. Où il y a des choses, nous en français, c'est pas considéré comme étant une insulte. En arabe, ça va l'être. Par exemple, ça va être un sab. Ça va être un sab. Donc, car des gens pourraient dire, moi je n'ai pas insulté la religion. On dira ça en arabe, ce qui s'appelle un sab. Et ce sab, quand même, sab, c'est du kufr. Et du kufr akbar, la mécréance majeure. Même se moquer, cela rentre dans le sab. La moquerie rentre dans le sab, comme le prouve le verset que l'auteur va citer. Quand Allah Ta'ala, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَرْتَذِرُوا فَقَدْ كَفَرْتُمْ بِإِيمَانِكُمْ. Il dit, est-ce en Allah et en ses versets et en son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. At-Tawba, le repentir du verset 65 à 66. Donc cela englobe ce qu'on appelle le fait d'insulter et le fait de maudire. Al-La'n. Car le La'n, c'est également le sens de Sab. Quand on dit, مثلاً, Fulan La'na Fulanan, ça a le sens de maudire, c'est-à-dire que Allah te sorte de sa miséricorde, et ça a également le sens de insulter. Insulter. Na'am. Donc là, ce sont les masales qu'on a pris aujourd'hui. وبهذا قد نكتفي والحمد لله العربية العالمين.